bosser toute la journée. Mais ça c'est pour des billets. On aimerait bien prendre le temps, rester couché juste un instant. Mais impossible de réfléchir, on préfère gagner. Benji, pour répondre à Cyber. Non, pas Cyber. À Zig. C'est un texte à moi, un petit texte à la Benji, tout ça. Sorry, B-N-A. Je peux le faire à la Bruce Springsteen. La vie s'écoule sans s'arrêter, on ne prend plus le temps de respirer. Oh. Bashung. Je peux te la faire. Renault. La vie s'écoule sans s'arrêter. On ne prend plus le temps de respirer. Cyber qui joue. C'est pas le morceau de la SF. Ok, c'est bon. Thank you. senti loin mon état. Vas-y, super. It's only room to fit on the one you saw. I was such a fight, but I know the ones you want.

passé de mal, je t'ai fait. Aujourd'hui, je suis désolé. Mais tu sais, personne est parfait. Alors dis-moi, dis-moi, fais-moi un signe de toi. Alors dis-moi, dis-moi, je t'en prie, pardonne-moi. Thank you. Merci. Change. Ok. Le morceau de Madonna, ça, elle est fait avec Francis là. Chez le berger. Tu sais pas jouer du, vous savez jouer du berger, je sais pas. mes bergers, j'ai berger de France. Chanter derrière les barreaux. Il y en a plein de Michel Berger. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous. Ça veut dire qu'il était paradis blanc. Quand mes claviers se... J'aime bien quand il chantait ça. Quand mes claviers se montent, tu sais. C'est lui qui chante. Je peux te faire. Enfin, je suis chiant, hein. Mais sinon, chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Je sais de faire ça. Mais la complainte, tu peux essayer, mais je vais la massacrer. Attends, ouais, d'accord, je vais essayer. Thank you. c'est pas ma tonalité, mais c'est pas grave. Je vais essayer. Je vais essayer. Parce que c'est une tonalité aiguë, ça. J'ai pas. Et du coup, je la prends à l'octave. Parce que... J'ai pas demandé. Je peux pas là. J'ai pas demandé à mes. C'est plus bas, mais je vais essayer. Je sais pas, Michel Berger, c'est un que je connais. Le monde est stone, non. Trop dur. Starmania, c'est balèze, hein. Je te dis, je connais le paradis blanc. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Quelques mots d'amour. Diego, celui qui chante. Mademoiselle Chang, bon, quelque chose de Tennessee. Ben ouais, c'est à lui ça. Si maman, si, je sais la faire. Quelques mots d'amour. Je viens de... Ça, j'adore. La groupie pianiste. Laissez passer les rêves, j'aime pas. Il n'y a pas de honte, eh, mais ça je fais pas la santé. Mais quelques mots d'amour, j'aime beaucoup. Il manque quelqu'un près de moi. Tu connais pas? Sauver l'amour. Ah non. Ça aussi, Balawan, il chantait aigu. Hein. Qu'est-ce qui va soigner et comment retrouver le goût de la vie? Qui a besoin par l'envie? Tu peux essayer de sauver l'amour, mais avec ma tonalité, si tu veux. Attends, je cherche les paroles de sauver l'amour. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Attends, je vais pas. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Je demande au pianiste de me trouver juste la tonalité du refrain, c'est tout, Isabelle. En fait, parce que je vais faire le refrain. Je sais pas, enfin, moi je le fais en a cappella le refrain. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment retrouver le goût de des pays là. On essaye de faire du balawan mais c'est pas facile. Ah ça vient. Combien de mesures là? Tu vois, on va pas faire l'entier, il faut juste refaire. Thank you. pas chanter la chanson en entier sur ce truc là. Les corps, les choristes. Isabelle, elle a pas, toujours pas de micro, alors elle chante pas. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Si c'est ça, il manque juste l'intro. Et comment retrouver pour remplacer un tir effacé sur le gange? La douleur pour voir parler un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur. Ah merde, j'ai plus la tonalité du couplet, moi. Et comment retrouver